circonstance à mettre en guise de flambeau. J'ai ce qu'il faut dans ma boutique, sans le tonnerre et les éclairs, pour m'épurger toute la clique des affameurs de l'univers. J'ai du picrate, de potasse, du spray, du chlore en tonneau, pour assainir porte tout passe les empoisonneurs de cerveau. J'ai ce qu'il faut dans ma boutique, sans le tonnerre et les éclairs, pour m'épurger toute la clique des affameurs de l'univers. J'ai des pavés et de la poudre et de la dynamite à foison, qui rivalise avec la foudre pour débarbouiller l'horizon. J'ai ce qu'il faut dans ma boutique, sans le tonnerre et les éclairs, pour se débarrasser plus vite que des affameurs de l'univers. Le gaz est aussi de la fête, je suis le résistant des joyaux. Au beau milieu de la tempête, je fais éclater ces noyaux. J'ai ce qu'il faut dans ma boutique, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien plonger toute la clique des affameurs de l'univers. J'ai pour liberté mes limites, de femmes produits mes enfants, pour se débarrasser plus vite de ces mangeurs de pauvres gens. J'ai ce qu'il faut dans